De toutes les interactions fondamentales, c'est celle qui échappe encore le plus à notre compréhension, celle qui reste la plus insaisissable. Formalisée par Newton, appréhendée comme une force, Einstein en bouleversera la compréhension en expliquant qu'il s'agit d'une déformation de l'espace-temps. Aujourd'hui encore, c'est elle qui empêche l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique en résistant donc à la quantification, mais qu'est donc fondamentalement la gravitation. Et si la réponse à cette question était à aller chercher d'un tout autre côté, dans un autre modèle, dans une théorie philosophique de la gravitation. Gravitation plus dure sera la chute, c'est l'art du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher non pas de résoudre ce problème, ce serait bien ambitieux, mais tout au moins d'apporter quelques éléments de réflexion autour de cette interaction qui résiste encore à bien des égards à la physique, mais aussi donc à la philosophie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Élie Düring. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Nanterre, enseignant à l'École des Beaux-Arts à Paris, auteur de Whitehead, une autre théorie de la gravitation. C'est dans un ouvrage collectif, Qu'est-ce que la gravité, sous la direction de notre camarade Étienne Klein, qui sera publié chez Dunod au mois de mai prochain. Et bonjour Gabriel Chardin. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS, président du comité des très grandes infrastructures de recherche, auteur de L'insoutenable gravité de l'univers, c'est aux éditions du Pommier. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast sur votre application favorite et comme chaque fois, eh bien, en complément en vous abonnant à notre fil Twitter où sera posté tout au long de l'heure un certain nombre d'études, d'articles qui viendront compléter nos propos sur le fil donc @laméthodefc. Et puisque notre ambition est donc de confronter une approche physique et philosophique de la gravitation, il nous a semblé absolument indispensable pour débuter cette émission d'entendre la voix de Gaston Bachelard qui évoque les lois de la gravitation newtonienne. Nous sommes dans l'heure de la culture française le 30 juillet 1948 à la RDF. Mais où la vue géniale de Newton prend toute sa valeur philosophique, c'est quand il comprend que l'apesanteur dont nous voyons l'action dans la vie quotidienne n'est qu'un cas particulier de l'attraction universelle. Autrement dit, c'est une même cause qui fait tourner les planètes autour du Soleil et tomber les corps à la surface de la Terre. Le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement d'Anubis dans la stratosphère suivent exactement une même et unique loi. C'est ici qu'on le dit dans les manuels, l'anecdote de la pomme. C'est en voyant tomber une pomme, dit-on, que Newton aurait tout deviné. Voilà la voix de Gaston Bachelard à propos de cette acception newtonienne de la gravitation. Élie Düring, votre sentiment vis-à-vis de cette archive? C'est toujours très agréable d'entendre la voix chevrotante de Bachelard et d'imaginer sa barbe légendaire. Et nous, il nous rappelle là dans l'extrait qu'on vient d'entendre à quel point l'idée même d'une attraction universelle, c'est-à-dire qui s'exerce universellement en tout point de l'espace, et quelle que soit la composition matérielle des corps, était nouvelle au moment où Newton l'a formulée. Je veux dire, Kepler avait déjà l'idée d'attraction à distance, en un certain sens, mais universelle, c'est un pas qu'il faut franchir, c'est lié à l'émergence de la notion moderne de loi, de loi de la nature. Et comme il l'explique bien, en effet, il s'agit d'élargir, d'amplifier son intuition, de sorte que le mouvement en orbite de la Lune, le satellite de la Terre autour de la planète Terre, puisse expliquer par la même loi, par le même phénomène fondamental que la chute d'une pomme. Et ça, évidemment, ça va pas de soi. Bachelard a beaucoup écrit sur la pesanteur et sur la gravité et la gravitation dans d'autres textes, d'autres cours. Il fait un pas de plus, je crois, puisqu'il essaie de montrer de quelle manière on peut arriver à élargir son intuition. Et pour ce faire, il faut justement cesser de penser à la gravité comme une sorte de cause qui agirait soit à distance, soit de façon locale par propagation, peu importe. Il faut cesser de la penser comme une cause, peut-être, et s'élever à la considération de justement ce dont on parlera probablement dans cette émission, à savoir il y, y a un champ de gravitation, qui est peut-être le concept fondamental que justement Newton n'avait pas dégagé pour lui-même. Et ça, c'est l'affaire de la physique du XXe siècle. Gabriel Chardin, justement, peut-être pour préciser cette pensée, comment est-ce, pourquoi, pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que les lois de Newton sont à ce point révolutionnaires, elles préfigurent très très tôt ce qui va être les grandes mécaniques d'unification de la physique? Alors, il y avait déjà les lois de Kepler qui donnaient déjà pas mal de choses, mais avec une aide assez forte de Hooke, qui était le physicien royal, Newton a réussi à introduire en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le calcul différentiel, qui permettait de modéliser et de comprendre effectivement par cette notion de loi les trajectoires des corps. Et après, donc, on peut généraliser, s'apercevoir, comme dit Bachelard, que une trajectoire d'un obus de canon, alors, il y a le problème de l'air, hein, qui a toujours gêné les choses, le frottement terrestre, mais disons de réaliser qu'il y a une universalité dans cette notion de gravitation qui est excellente. Après, dans ce que cite Bachelard, on peut ironiser un petit peu dans le sens que ça correspond à la citation de Valéry, et il fallait le génie Newton pour voir que la Lune tombe alors que tout le monde voit qu'elle ne tombe pas. Ben, pourquoi elle ne tombe pas? Parce qu'elle reste à la même distance en permanence à peu près de la Terre. Et à quoi répond Wheeler? Il fallait le génie d'Einstein pour voir que la Lune ne tombe pas alors que tout le monde voit qu'elle tombe. Parce que la transformation s'est effectuée dans l'esprit des gens, force de la pomme qui tombe, alors que Einstein va complètement, et ça c'est une caractéristique assez forte, des transformations successives de la notion de gravitation. Cette évolution un peu permanente qui n'est pas encore résolue. Parce que pour faire la transition, on renverra à d'autres émissions dont on vous met les liens sur le fil Twitter notamment, sur Newton autour de ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Newton comprend que fait de la gravitation une force universelle, ce qu'Einstein va finalement prendre à contre-pied complètement en disant ça n'est pas une forme, c'est une structure même de l'espace-temps, Elie Düring. Oui, ce qui revient, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on pense encore la gravité essentiellement comme une force, à nouveau, qu'elle s'exerce localement ou à distance, ça c'est un point important mais qu'on peut laisser de côté. Si on pense ça comme une sorte de force unitaire, comme ça, qui s'exercerait universellement, on passe à côté de l'essentiel, à savoir que pour que cette force, parce qu'il y a quand même des forces de gravitation, on peut les mesurer, on peut en mesurer les effets en tout cas, à travers les effets sur les corps, l'accélération, etc. Pour que cette force s'exerce universellement, il faut des conditions bien spécifiques. Alors, le champ de gravitation, c'est une façon résumée de désigner le problème, c'est qu'en effet, comme vous disiez à l'instant, il y a une structure, un ensemble de conditions qui font qu'à un moment donné, une configuration, c'est-à-dire un rapport de voisinage plus ou moins immédiat entre des corps distribués ou des masses énergie distribuées dans l'espace, va provoquer un phénomène qui immédiatement se donne comme un changement d'état de mouvement, une accélération en l'occurrence. Et tendanciellement, on associe la force à ses effets, c'est-à-dire que la force manifeste au fait que des choses accélèrent alors qu'elles ne devraient pas, alors que si elles étaient laissées à elles-mêmes, elles poursuivraient, selon le principe d'inertie, persévéreraient dans leur état de mouvement. Bon, sauf que, effectivement, pour que cette force s'exerce comme telle, il faut revenir à ce qui est en fait l'action potentielle de la gravitation, c'est-à-dire l'ensemble des conditions répandues dans l'espace et qui font que à un moment donné ces conditions convergent et rendent possible l'action de la force. Je crois que l'intuition d'Einstein, ça a été justement en partant quand même d'une idée du champ physique qui reprend à toute la tradition électromagnétique, hein. Il a pas inventé la notion de champ, il pressent qu'il faut appliquer le même type de rationalité, le même type de compréhension à la gravitation. C'est-à-dire penser le champ gravitationnel comme tel. Et alors là, le coup de génie mathématique qui a été le sien avec l'aide de ses camarades mathématiciens, ça a été en effet de formaliser ça comme une propriété de l'espace-temps lui-même. Une certaine façon de traiter l'espace-temps comme étant en quelque sorte la trame dans laquelle on va pouvoir lire en mobilisant des mathématiques très sophistiquées pour, en quelque sorte, l'action du champ, la propagation des effets gravitationnels de proche en proche. Et donc, en effet, comprendre, c'est ce à quoi, je crois, Gabriel Chardin faisait allusion à l'instant, comprendre, en effet, que d'une certaine façon, oui, la Lune dont Newton nous explique qu'elle tombe comme la pomme, ben, en un sens, ne tombe pas. Pas plus que la pomme, en tout cas. C'est-à-dire qu'en réalité... Elle va tout droit dans un espace-temps courbe. Elle suit une ligne géodésique dans un espace-temps courbé. Mais alors du coup, Gabriel Chardin, cette jusqu'à preuve du contraire, toujours, je le disais dans l'introduction, cette gravitation nous échappe encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème maintenant finalement, puisque ce modèle einsteinien de la gravitation comme finalement effectivement une courbure de l'espace-temps liée à la masse des objets, elle résiste à tous les modèles. Qu'est-ce qui pose un problème? Alors, il y a d'une part, le problème principal, probablement, c'est le problème de la quantification, c'est-à-dire restaurer une unité entre la relativité et le caractère quantique. Ça, on n'a pas trouvé. On a eu un espoir, il y avait environ 30 ans, avec la théorie des cordes, d'avoir une théorie de tout, une théorie unique en plus, qui était le rêve des gens, c'est qui incorporerait, et ça c'est indiscutable, c'est-à-dire que dans le formalisme, il y a la force de la gravitation. Après, avec le recul de 30 ans, on peut dire deux choses. D'une part, qu'il y a un certain nombre de résultats remarquables qui sont formels et qui sont d'une très grande beauté, qui laissent entendre qu'il y a une idée réelle derrière la théorie des cordes, qui a donc des dimensions supplémentaires, hein, qui est un univers replié sur elle-même parce qu'on ne les voit pas dans notre univers à 3 plus une dimension de temps, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. La deuxième leçon, c'est que on n'a trouvé aucune prédiction expérimentale. Et ce qui est quand même assez inquiétant, on n'a aucune masse de particules, aucune façon de comprendre, alors que c'est ce qui est censé donner l'origine des masses. Le Higgs est juste un épiphénomène assez partiel. Le boson de Higgs. Le boson de Higgs, découvert au CERN, il y a quelques années. Et donc, il faut essayer de sortir de cette impasse. L'autre grand élément qui date non pas de 30 ans, mais d'il y a 20 ans, c'est la découverte extrêmement surprenante, totalement inattendue, même si on le voyait arriver depuis quelques années, d'une gravité répulsive, considérée comme totalement impossible avant. Comment s'en sortir? Eh bien, il y a une solution historique, peut-on dire, qui est celle proposée par Einstein avec la constante cosmologique. Alors, la gravité répulsive, c'est l'énergie noire, c'est l'énergie l'expansion noire, quand même un bon deux tiers de l'énergie de l'univers, hein, pas un petit machin dans un coin, et qui a l'air, au minimum, la gravité ne décélère pas comme on le pense, l'univers dit d'Einstein et de Sitter, elle a l'air d'accélérer les choses à grande distance, qui est très très surprenant vis-à-vis de l'intuition que l'on a de la gravité de tous les jours où on est cloué au sol. Donc ça, c'est, comme je disais, Einstein propose... Einstein aurait voulu un univers stable, éternel. Fixe. Et il s'aperçoit très vite que la gravité est instable, caractère essentiel de la gravitation. Et du coup, il essaye d'introduire dans ses équations ce qu'on appelle la constante cosmologique, une sorte d'énergie noire constante. Dont il pensait que c'était une erreur avant de revenir sur... Alors, il n'a pas pensé tout de suite, il a essayé, et puis il s'est très vite aperçu que ça ne résolvait pas le problème de l'instabilité de la gravité, qui reste générique, qui reste toujours le cas, que l'univers continuait à être instable. Par ailleurs, ça ne résolvait pas non plus la question de l'éternité des étoiles qui ont duré de vie finie. Et donc, il a abandonné, et comme vous le dites, il a, on peut discuter sur la citation qui est un peu apocryphe, savoir si c'était ou pas sa plus grande erreur et comment ça avait été dit. Mais enfin, disons, il abandonne l'idée. Par contre, donc, il a eu pendant très longtemps l'idée d'essayer de décrire la force de la gravitation comme quelque chose qui est machien, c'est-à-dire le principe de Mach, d'écrire ça par un corps, s'il résiste au mouvement, c'est pour essayer de... il interagit avec tous les corps dans l'univers. Et on y reviendra tout à l'heure, Gabriel Chardin. J'aimerais poser aussi une question à vous, Lee Durin, puisque dans vos travaux, vous avez cherché pourquoi d'ailleurs, et peut-être est-ce un élément de réponse, est-ce que je mentionnais dans mon introduction, et pourquoi n'y a-t-il pas, ou pourquoi faut-il, pourquoi est-il nécessaire finalement de trouver, de construire une théorie philosophique de la gravitation ? Alors, une théorie philosophique de la gravitation. Disons, c'est même pas qu'il est nécessaire, c'est qu'il est inévitable de se poser des questions philosophiques. Là, on vient de le faire, l'air de rien, dès qu'on produit une théorie physique de la gravitation. Alors, Einstein avait un rapport à la philosophie un peu tendu, ça l'intéressait, à certains égards, ça le fascinait, il y revenait souvent, mais il montrait une certaine impatience justement quand il s'agissait de questions fondamentales. Il avait une façon très très abrupte et en même temps très très comme un rayon laser, très, très fine, d'entrer dans les questions et de les régler aussi vite que possible pour pas que la physique perde trop de temps, justement, s'attarde trop longtemps, comme Niels Bohr et d'autres, dans les questions, disons, philosophiques posées par la théorie. Par contre, dans le cas de la gravité, la question même qui consiste à dire, bon, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est fondamentalement autre chose qu'une force? Est-ce qu'il y a une origine de la gravité qu'il faudrait chercher au-delà du fait même de la distribution de la masse énergie dans l'univers? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une source de la gravité qui nous obligerait à creuser encore plus profond que le concept de matière, qui est trop grossier. Donc il y a de la matière, mais il y a aussi de l'antimatière. Et ça, c'est des questions, inévitablement des questions d'ordre philosophique, parce qu'au fond, ça ne cesse de remettre en question la fausse évidence de l'unité du phénomène de la gravitation. On était parti de l'intuition simple, je dis là, pré-newtonienne, que la gravité, au fond, elle était... le phénomène de gravité trouvait sa première évidence, sa première prise dans le fait qu'il y a des corps pesants, quoi. Les corps graves, ils sont pesants, et donc on identifiait spontanément la masse qui constitue la matière et ce caractère de pesanteur comme si c'était une qualité sensible qu'on pouvait appréhender de façon unifiée. Et donc on a mis beaucoup de temps à s'extraire de ça pour penser quelque chose comme une attraction à distance qui suppose un tout autre type de raisonnement. Et ensuite il y a eu le champ, comme je l'expliquais, et puis ces développements récents dont Gabriel Chardin vient de parler et qui obligent à chaque fois, en fait, on pourrait dire à redécomposer l'apparence d'unité que la théorie physique avait donnée au phénomène. Et ça, c'est un problème philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Je reprends ça à Bachelard. Il y a une dialectique des concepts scientifiques qui ne cesse, en fait, de briser ce qu'elle a remonté, ce qu'elle a unifié, pour arriver à des niveaux d'unification de plus en plus profonds. Et ça, en effet, si on suit le cours de ça, et l'évolution et la transformation des concepts, je veux dire le concept même d'antimatière, l'idée qu'il y ait des masses négatives, bon, ça oblige à des réformes conceptuelles profondes qui touchent à des problèmes philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'une masse négative? Bachelard a un texte intéressant là-dessus dans La philosophie du nom, qui est un beau texte de philosophie des sciences. Il explique qu'évidemment, la formulation même de cette notion de masse négative semble être quelque chose comme un paradoxe et on voit pas très bien, c'est un concept monstrueux de prime abord. Et pourtant, c'est quelque chose qui est presque appelé, dont l'interprétation comme en tant que matière est appelée, ou antimatière est appelée par les équations de Dirac. Bon, on a des termes négatifs et on se dit « et pourquoi pas ?». Donc cette philosophie du « et pourquoi pas ?», Bachelard la revendiquait et il montre très bien dans ses textes sur ces questions de quelle façon la science l'adopte implicitement. C'est une philosophie du « et pourquoi pas ?», mais c'est quand même une philosophie, parce que ça oblige en effet à chaque fois à étendre davantage, toujours davantage, des concepts qui avaient une fausse apparence d'unité. Le concept de matière est le meilleur exemple ici. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est à 16h20 sur France Culture. Ah, ça, on peut mettre un philosophe et un physicien à la même salle, ça ne cesse de discuter. Nous parlons de la gravitation tout au long de cette heure en compagnie donc d'Elie Durin et de Gabriel Chardin. Elie Durin, un mot, parce que donc vous avez écrit cet article Whitehead, une autre théorie de la gravitation qui est assez passionnant. Racontez-nous un peu pourquoi vous êtes allé chercher ces travaux d'Alfred Whitehead. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis justement en quête de cette théorie philosophique de la gravitation? Alors, en deux mots, parce que tout ça sortira en mai dans ce volume « Qu'est-ce que la gravité ?» co-dirigé par trois physiciens. Moi, je suis le philosophe, le vilain canard, le petit canard, je ne sais pas comment on dit, le canard noir de la bande. C'est-à-dire que, en tant que philosophe, je me suis penché sur une théorie physique, c'est important de dire que ce n'est pas une théorie philosophique de la relativité, c'est une théorie physique de la relativité, formulée par quelqu'un qu'on associe plutôt à la philosophie, qui est Alfred Whitehead, c'est une figure importante, disons, de la métaphysique contemporaine, mais qui était au départ mathématicien et physicien. Il a été formé à l'école des Maxwelliens de Cambridge, il a fait une thèse sur les potentiels retardés, une thèse de mathématiques appliquée à la physique, et en 1922, il publie un livre qu'il avait élaboré dans les années qui précèdent, qui s'appelle « Le principe de relativité », « The Principle of Relativity », qui est un livre de physique, qui est une théorie physique de la relativité, qui se propose comme une alternative, disons une théorie concurrente à celle d'Einstein. Ce qui m'a intéressé, moi, en tant que philosophe, et pour autant que je pouvais suivre le détail mathématique parfois un peu abstru, notamment à cause du formalisme un peu désuet qui est mis en œuvre. Son écriture est d'une abominable obscurité. Alors c'est vrai en philosophie en général pour Whitehead, mais là dans le cas précis pour moi philosophe, c'était vrai de ses textes physiques. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que ce sont les motivations qui lui ont fait formuler cette théorie quelques années après la théorie de la relativité générale comme une alternative motivée, au dire de Whitehead, par des principes, des raisons d'ordre philosophique. C'est-à-dire qu'il lui semblait que la théorie de la relativité générale, dans l'état où elle se trouvait, et malgré ses confirmations expérimentales absolument spectaculaires, par Eddington notamment à l'occasion d'une éclipse, pêchait par un défaut d'origine, en quelque sorte, c'est-à-dire que le phénomène même de la gravitation, tel qu'il était conceptualisé en termes justement d'espace-temps riemannien, espace-temps variablement courbé, devenait quelque chose d'arbitraire et au fond d'irrationnel. C'est-à-dire que mieux on le maîtrisait mathématiquement, mieux c'était confirmé expérimentalement, moins bien on le comprenait rationnellement. Et donc, il propose une théorie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi un cas d'école de théorie, si on fait l'histoire des ratés ou l'histoire des perdants en histoire des sciences, c'est intéressant de se pencher sur les théories qu'on pendant un temps étaient envisagées comme des alternatives possibles. Je dirais Eddington, encore en 1924, écrit un papier disant oui, c'est intéressant, on peut travailler dans ce sens, etc. De fait, ce qui m'a intéressé, c'est que pendant quasiment 50 ans, cette théorie, on pourra y revenir sur des points fondamentaux divergent par rapport à celle d'Einstein, était confirmée, enfin passée haut la main, au moins la batterie de tests, les 4 tests principaux de toute théorie de la gravitation. C'est-à-dire le périhélie de Mercure, la déviation des ondes électromagnétiques, le retard de propagation de la lumière et le décalage spectral gravitationnel. Vous l'avez dit, il l'est passé haut la main jusqu'aux années 70, où on s'est rendu compte, et là c'était massif, qu'il y avait une disproportion de 1 à 100 dans les prédictions qu'il faisait sur un phénomène d'anisotropie, j'ai pas besoin d'entrer dans le détail, et ce qui était effectivement observé. Mais voyez, pendant 50 ans, cette théorie a pas beaucoup intéressé les physiciens, mais était disponible virtuellement comme, une autre théorie possible à la relativité, fondé, d'après lui, sur des principes plus robustes, plus consistants, et qui, selon lui, faisait moins violence à l'idée qu'on se fait de la nature, de la manière, de l'unité même, l'unité rationnelle de ce qu'on appelle la nature. C'est toujours risqué quand un physicien fait ce genre de pari, mais là, l'intérêt, c'est que ça s'est traduit non pas par des mots simplement, mais par la mise au point d'une théorie qui, là aussi on pourra y revenir, présente des analogies étonnantes avec certains programmes de recherche, par exemple en théorie quantique des champs aujourd'hui. Gabriel Chardin, vous connaissiez cette alternative à la théorie de la relativité d'Einstein par Whitehead? Je dois dire que non. Ceci dit, après avoir lu l'article qui va paraître en mai, je vois qu'il y a des échos. D'une part, ce qui est bien, c'est que, comme on l'a dit, c'est une théorie falsifiable. C'est-à-dire que quand on arrive dans les années 70-80 à ce formalisme post-newtonien, donc après le Newton, pour essayer de voir comment on peut élargir la relativité, généraliser la relativité générale d'Einstein, on peut avoir des tests qui, pour certains d'entre eux, sont extrêmement précis. Il y a notamment Briet qui a eu la médaille d'or l'an dernier sur les ondes gravitationnelles, était déjà dans ces tests-là au début de sa carrière. Et là, du coup, on a une distinction forte, un facteur 100, entre une théorie et une autre. Et c'est le rôle de la... C'est la différence entre une philosophie pure et la science. Un autre écho moderne, c'est la notion de double métrique, c'est-à-dire de ne pas faire référence à un seul espace-temps courbe, mais une double géométrie. Une double géométrie, oui. Oui, peut-être c'est plus simple comme concept à faire saisir. Et ça, cette théorie-là, elle a un aspect philosophique ou historique aussi assez intéressant, parce que c'est un élève d'Einstein qui l'avait proposé, et puis ça a été considéré assez rapidement comme quelque chose qui ne marchait pas. Et puis maintenant, on y revient, avec d'ailleurs plusieurs versions. Alors, c'est quoi, je sais pas qui veut répondre, Élie Düring, c'est quoi cette, en quoi cette théorie est une théorie à double géométrie, oui. Je me suis, m'étant immergé là-dedans pendant quelques temps, j'ai finalement compris de quelle façon et pourquoi c'était introduit, disons en deux mots, alors que dans la théorie de la relativité générale, version Einstein, on a en effet un espace-temps unifié, de type riemannien, qui en quelque sorte capture toute l'information géométrique nécessaire pour rendre compte des effets du champ gravitationnel. Bon, après, il faut évidemment rajouter quelques conditions, mais il y a en effet une géométrie unifiée. Chez Whitehead, au contraire, il y a la position de deux géométries, une géométrie d'arrière-plan qu'il veut plate. Alors plate, ça ne veut pas dire qu'elle est euclidienne, elle est en l'occurrence, elle est minkowskienne, donc il retient au moins d'Einstein la géométrie qui vaut encore localement dans l'univers, c'est-à-dire la géométrie de Minkowski, celle de la relativité restreinte. Elle est plate au sens où c'est pas variablement courbé, donc il y a une forme d'homogénéité et d'uniformité de la métrique, mais elle est un peu étrange quand même, puisque bon, c'est celle de la relativité restreinte. Mais au moins elle est plate, et je vais dire dans un instant pourquoi c'est très important pour lui. À quoi on rajoute, il y a un côté un peu feuilleté dans cette théorie, une deuxième géométrie, un espace, si on veut, mais de nature un peu plus abstraite, qui va lui en fait recueillir toute l'information nécessaire pour, disons, l'information dynamique nécessaire pour rendre compte effectivement de l'action effective du champ gravitationnel. Donc on a une métrique d'arrière-plan qui doit être plate. Et je dis doit parce qu'en effet, c'est là qu'il y a une exigence d'ordre rationnel. Whitehead est persuadé, il a tout une batterie d'arguments, d'ordre philosophique, épistémologique, mais aussi physique dans une certaine mesure, pour dire qu'il y a absolument essentiel quand on fait une théorie, notamment de la gravitation, de conserver toute sa force à l'intuition, qui pour lui est presque indépassable, naturelle, presque constitutive de l'activité scientifique, que la mesure, les opérations de mesure, que ce soit de l'espace ou du temps, ou des forces et de l'action des forces, en général, la mesure doit s'adosser à la conception d'une sorte d'uniformité ou d'homogénéité des relations spatio-temporelles à l'échelle de l'univers. D'où un espace-temps d'arrière-plan qui doit être homogène, uniforme, donc plat. Pour lui, si on cède là-dessus, on brouille de façon irrémédiable la différence à laquelle il tient, par principe, entre géométrie et physique. Donc sur ce point, par exemple, il rejoint des choses qu'on peut lire chez Poincaré, mm-hmm. à certains égards, même si c'est compliqué chez Poincaré. Mais bon, cette idée qu'il ne faut pas mélanger le plan de ce qui est pour lui de l'ordre de la nécessité, c'est-à-dire les relations nécessaires qui gouvernent non pas les phénomènes contingents, de la nature, mais disons les modes de relationnalité, là je me mets à parler en philosophe, les modes de relationnalité les plus généraux, les constantes structurelles les plus générales qui gouvernent l'être ensemble, d'accord, des objets de la nature. Et pour lui, ça doit être en quelque sorte capturé par une géométrie qui, peu importe qu'elle soit euclidienne ou non, doit être uniforme. Et ensuite, effectivement, on peut compliquer les choses, introduire des espaces supplémentaires, des géométries qui vont avoir des propriétés différentes, pour réintroduire justement et capturer les phénomènes en eux-mêmes contingents comme la gravitation. On peut imaginer des univers sans gravitation. Je ne sais pas ce qu'en penserait Gabriel Chardin, mais il n'y a rien, il n'y a pas de nécessité rationnelle à ce qui est de la gravitation, voire même des masses plutôt qu'autre chose. Bon, on peut discuter en ce moment de la question de savoir s'il y a plus de matière ou d'antimatière. Donc c'est bien que la question est ouverte. Je pense que je ne serais pas d'accord dans le sens que. Le rêve d'Einstein d'une théorie machienne, c'est-à-dire où la masse apparaît comme les relations avec tous les objets dans l'univers, qui paraît contredire à première vue seulement la relativité d'Einstein, parce qu'il faut aller, semble-t-il, plus vite que la vitesse de la lumière, étant donné que les corps aux alentours de nous jouent, dès qu'on fait un petit calcul, quasiment la Terre elle-même, dans l'expérience du saut de Newton, ne joue que pour un milliardième à peu près de la masse. Donc c'est pas même la dimension de la Terre ne suffit clairement pas à expliquer la masse inertielle. Il faut aller chercher très très loin dans l'univers, voir tout l'univers, effectivement. Or ça, cette notion machienne et la notion même de masse inertielle ne tient que si il y a d'autres corps dans l'univers. C'est-à-dire, par exemple, on sait que parler de rotation quand il y a seulement deux corps dans un univers, ça ne marche pas. Alors qu'on peut quand même construire une solution avec seulement deux corps. Bondy l'avait fait, par exemple. Donc, il y a des concepts relatifs qui disparaissent, qui n'ont plus de sens si on n'a pas assez de corps sur lesquels s'appuyer pour construire les concepts. Et la notion de masse inertielle fait partie de celle-là, et on pourra revenir sur le fait que le rêve d'Einstein est probablement restauré si on a une symétrie entre les masses positives et négatives dans l'univers, ce qui est quand même un rêve restauré longtemps après d'Einstein. Et d'ailleurs, on reparlera de ces questions de symétrie dans quelques minutes. Tout de même, peut-être, Eddie Düring, un mot, ou est-ce que vous pouvez essayer en quelques minutes de nous expliquer en quoi The Principle of Relativity, cette théorie alternative à la relativité générale d'Einstein, consiste et pourquoi finalement elle s'est maintenue pendant ces 50 ans comme une théorie finalement valide, même si elle était une acception parallèle, alternative à ces travaux d'Einstein qui, eux, faisaient l'unanimité. Comment on s'en est rendu compte? C'est pas une théorie qui n'a pas été enseignée dans les universités. Les étudiants de physique n'y ont pas été exposés, même dans les années 20. Elle a tout de suite été considérée comme une alternative un peu étrange, une théorie concurrente, un peu pas monstrueuse, parce que, au fond, elle a une tenue, et même, je dirais, mathématiquement, elle est d'une certaine façon plus simple que celle d'Einstein. Et l'usage qui est fait du formalisme tensoriel, etc., est quand même au bénéfice d'une géométrie d'arrière-plan qui est beaucoup plus facile à appréhender que la géométrie riemannienne mise en œuvre dans la relativité générale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Pourquoi est-ce qu'elle a tenu le coup? Enfin, j'ai dit elle fonctionne. Elle a fonctionné, mais en fait, elle fonctionnait pas dès le départ. Mais on l'a su rétrospectivement 50 ans après. Pourquoi elle tenait? C'est parce qu'en effet, il y a beaucoup travaillé et que c'était un assez bon mathématicien et qu'il a fait en sorte que, les points de suture et le montage soient le plus consistant possible. Après, à un moment donné, c'est la nature qui parle. On va tester la nature et elle donne une réponse là qui était très clairement une affirmation. Donc raison de plus pour ne pas s'y intéresser comme théorie physique. Maintenant, en quoi elle consiste? C'est-à-dire quel est le message philosophique qu'elle veut faire passer? J'en ai donné la ligne générale, là, l'idée de conserver l'intuition d'une distinction nette entre ce qui relève de la nécessité, de l'uniformité des relations dans la nature et ce qui relève de la distribution contingente et des phénomènes contingents de type gravitation. Bon. Et puis, plus clairement encore, on parlait tout à l'heure de l'affaire des pommes qui tombent et de la façon dont il faut en rendre compte, plutôt à la façon d'Einstein comme non pas une chute d'ailleurs, mais donc quelque chose comme un mouvement naturel en chute libre en quelque sorte, le long d'une géodésique d'espace-temps. Si vous pensez comme ça, en effet, bon, si je reviens à l'autre exemple qui est celui de la déflexion des rayons lumineux au voisinage d'un corps massif, d'accord, bon, ce qui était l'objet de la prédiction expérimentale confirmée par Eddington à l'occasion de l'observation d'une éclipse. L'interprétation einsteinienne, donc, c'est qu'il n'y a pas de déflexion à proprement parler. C'est-à-dire que la lumière va suivre une trajectoire qui correspond exactement à une géodésique dans un champ gravitationnel. Donc, il se trouve que, vu de l'extérieur, en quelque sorte, ça a l'air courbe, mais bon, c'est précisément pas courbe. C'est la ligne droite. C'est la ligne droite dans un espace courbé. C'est la géodésique. Du point de vue de Whitehead, l'interprétation du même phénomène, et qui philosophiquement lui paraît plus légitime, plus sensée, pour tout dire, c'est que, en effet, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui affecte la lumière, qui affecte les photons de lumière, et qui est en effet qu'il faut mesurer en quelque sorte comme un écart par rapport à ce qui serait une trajectoire en quelque sorte normale, inertielle si vous voulez. Il faut qu'il y ait quelque chose qui écarte la lumière de son trajet naturel. Et donc il faut interpréter les rayons courbes comme effectivement courbés, en un sens fort. Donc je dirais le message le plus immédiat, c'est celui-ci. C'est de dire qu'en effet, la gravitation fait quelque chose, elle est de l'ordre d'un processus qu'il faut d'ailleurs pouvoir, et là je peux pas entrer dans le détail, mais ça rejoindrait l'aspect mathématique de sa théorie, capturer de façon fine, autrement qu'a fait Newton, c'est-à-dire non pas ou Einstein d'ailleurs, c'est-à-dire non pas en appliquant des procédés de géométrie différentielle où on intègre de proche en proche le long des lignes d'univers, mais en travaillant directement sur des morceaux finis, alors peut-être des quantas, en tout cas des intervalles de temps finis qui correspondent à des actions de gravité. Il appelle ça des impetus. Mm-hmm. C'est-à-dire, intuitivement, on pourrait dire, c'est des paquets d'activités ou des sortes d'éléments d'activité de la gravitation en train de courber les corps, ou de, plus exactement, de courber la trajectoire des corps. Donc, pour lui, c'est un type de calcul qui doit immédiatement, en quelque sorte, restituer la dynamique propre de la gravitation, c'est-à-dire le fait qu'elle opère, en effet, dans le temps. L'action de la gravitation, le fait que les choses pèsent, c'est simplement que le passé, selon une formule étonnante, un peu sidérante dans un traité de physique, le passé pèse sur le présent. Et ça, il faut en rendre compte de façon non locale, c'est-à-dire pas strictement avec des procédés différentiels de proche en proche. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'activité continuée, mais en quelque sorte par éruption, par impulsion de la gravitation, non pas de proche en proche, mais en quelque sorte de loin en loin, comme si le passé continuait à réverbérer effectivement au cœur du présent. Quelque chose de cet ordre. De réimplémenter une sorte de dimension temporelle à la gravitation. Absolument. Gabriel Chardin, même si évidemment aujourd'hui tout cela a été démonté ou en tout cas déconstruit, qu'est-ce que ça vous évoque ce jeu de l'esprit qui est de reconsidérer, de reprendre en considération cette théorie alternative de Whitehead? Alors déjà, je pense qu'on peut dire que les théories souvent peuvent être exprimées de façon équivalente, ou alors c'est justement toute la question de savoir s'il y a vraiment quelque chose de nouveau ou si c'est simplement une reformulation, et de façon plus ou moins élégante. Or, on sait que l'on peut exprimer, par exemple, l'électromagnétisme, où il y a beaucoup moins de problèmes théoriques parce que c'est une théorie essentiellement linéaire. Les aspects non linéaires, mais on ne va pas revenir dessus, peut être décrite à la fois avec des porteurs de charge, électrons, positrons, protons, des champs électromagnétiques. Mais on peut aussi faire une théorie, et c'était quand même rien moins que le prix Nobel Richard Feynman et puis son professeur John Wheeler, qui a exprimé ça sans aucun champ, avec des interactions directes, mais entre les porteurs de charge, une théorie d'action à distance, néanmoins parfaitement relativiste, ce que Dedeker est malheureusement très peu enseigné. Et du coup, cette théorie propose une reformulation extrêmement intéressante de l'électromagnétisme. Cette façon d'exprimer la physique a été reproduite d'abord avec un essai et ensuite avec une théorie qui se révèle équivalente à la relativité générale, par Chiama, qui était le prof de Hawking et de Roger Penrose, en copiant le formalisme pour l'adapter à la gravitation. Et ce formalisme est possible aussi, sauf qu'il a l'air de ne pas marcher pour une raison technique qu'on pourra reparler après. Peut-être un tout dernier mot sur Whitehead, Elie Düring. J'aime bien, c'est un extrait de votre papier. Vous dites liquider la force de gravitation en s'en remettant à la structure géométrique de l'espace-temps, finalement. Enfin, c'est lui qui le dit, hein, c'est s'interdire de pénétrer le sens même du phénomène en question. Oui, parce que ça rejoint un leitmotiv, mais pas simplement en physique, en métaphysique, un leitmotiv de Whitehead, qui est de dire qu'il faut absolument s'abstraire et, en quelque sorte, se défaire, au fond, des intuitions qui supposeraient que les corps, la matière, les substances sont localisées, il dit simplement localisées, dans l'espace-temps. Et pour lui, c'est ça, au fond, le tort de toutes les théories à espace-temps, ou qui s'en remettent trop à l'espace-temps, c'est qu'elles, finalement, elles présupposent que les phénomènes fondamentaux, les événements associés au phénomène de la gravitation, sont, en un certain sens, simplement localisés là où ils sont, même si on le pense statistiquement, en termes de probabilité de présence, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est penser directement les processus. Donc pas des événements localisés, simplement localisés, mais des processus qui ont une épaisseur temporelle et spatiale, qui sont intrinsèquement diffus. Et là, ça rejoint effectivement des intuitions de la physique quantique. Mais elle était toute naissante à l'époque, où il travaille. Quoi. Oui, c'est-à-dire, Gabriel Chardin. Oui. C'est exactement ce à quoi veut revenir Bohr, à ne jamais parler des choses dans l'abstrait, mais toujours essayer de voir de quelle façon elles peuvent être réalisées par des interactions, par un processus expérimental. Et si on oublie ça, on risque d'attribuer des propriétés qui n'existent pas réellement avec les objets, notamment au niveau de la localité. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40 sur France Culture, nous allons donc aborder aujourd'hui, maintenant, ce que sont les apories de l'acception actuelle de la gravitation en physique, via notamment votre ouvrage, Gabriel Chardin, L'insoutenable gravité de l'univers, aux éditions du Pommier. À commencer par une question donc que vous évoquiez tout à l'heure, existe-t-il une gravitation répulsive? Si elle existe, qu'est-elle exactement? Peut-on imaginer une force de répulsion de type énergie noire qui serait en fait du coup un visage de cette gravité répulsive? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour tester cette hypothèse, vous êtes rendu au laboratoire Kassler-Bruxelles de Sorbonne Université. Oui, la question de l'antigravité remonte en fait aux années 50-60, au moment où des physiciens se demandent s'il peut exister des masses négatives avec l'antimatière. Quel serait alors le comportement des antiparticules dans un champ de gravitation? Est-ce qu'ils chuteraient ou bien est-ce qu'ils remonteraient? Pour y répondre, des expériences au CERN ont été lancées depuis 2016, notamment l'expérience GEBAR. Je suis allée voir Paul Indelicato et son thésar, qui travaillent en ce moment sur le montage de l'expérience, qui devrait permettre d'étudier l'antimatière en chute libre. Alors, l'expérience GEBAR consiste à mesurer l'effet de la gravitation sur l'antimatière, parce qu'en l'état actuel, si on croit la théorie de la relativité générale, la matière, l'antimatière, n'importe quel type de matière doit tomber de la même façon dans un champ de gravitation. Mais il y a quelques théories qui prévoient éventuellement un effet différent, voire que ça puisse avoir une répulsion. Et donc l'idée de l'expérience GEBAR, c'est de fabriquer de l'antihydrogène extrêmement froid, de le faire tomber dans le champ de gravitation et de voir s'il se comporte comme de l'hydrogène, enfin comme de la matière normale. Donc le seul moyen de vraiment le savoir, c'est de faire une expérience directe. Mais pour ça, la difficulté, c'est que l'hydrogène ou l'antihydrogène, c'est extrêmement léger. Et donc, pour qu'on puisse faire des mesures précises, il faut avoir de l'hydrogène, de l'antihydrogène extrêmement froid. Et donc, l'idée de l'expérience GEBAR, c'est de fabriquer un nouvel objet qui est un ion d'antimatière qui serait de l'antihydrogène plus, de le refroidir avec du beryllium plus, et c'est ça qu'on va voir ici. Et ensuite, une fois qu'il est très froid, de le casser, enlever cette particule supplémentaire, et là on obtient de l'antihydrogène, et c'est ça qu'on regarde tomber. Donc l'idée, ici on a une image du piège donc, qui est sous vide ici. C'est un piège à particules C'est un piège à ions en fait. Donc nous, alors, ce qu'on veut, c'est piéger de l'hydrogène afin de faire réaliser de la spectroscopie. Cette spectroscopie peut nous permettre de mesurer le rapport de masse entre le proton et l'électron. Ce qu'on cherche à faire vraiment, ce sont de produire déjà des anti... Alors, dans l'expérience GEBAR, il y a plusieurs étapes. Donc on va voir les antiprotons de très haute énergie fabriqués par le CERN dans des collisions de très haute énergie entre leur faisceau de protons et une cible fixe. Ces antiprotons sont capturés par des champs magnétiques, injectés dans un accélérateur qui va être utilisé pour en fait les ralentir. Et puis, on va les envoyer dans une série d'anneaux où on va les stocker, les refroidir, c'est-à-dire diminuer la dispersion de leurs paramètres physiques, les décélérer de plus en plus. Et donc, on va descendre par des dizaines d'ordres de grandeur d'énergie jusqu'à arriver à avoir des particules avec une énergie relativement faible. Et donc, ça, ces antiprotons, c'est l'objet de base. On va, d'autre part, fabriquer des anti-électrons. Et alors, en fait, on va les fabriquer avec un accélérateur d'électrons. C'est une des originalités de l'expérience qui va permettre d'en fabriquer beaucoup de positrons. Et là, ces positrons, on les envoie on les ralentit aussi. Et on les envoie dans une cible qui est une espèce de mousse de silice où ils vont attraper un électron et faire du positronium. Ce positronium, donc, est comme un petit atome d'hydrogène qui comporte un électron et un anti-électron. On va l'exciter par laser et on va envoyer dessus, donc, l'antiproton qui va en principe faire une première capture pour former de l'antihydrogène, mais assez chaud, et une deuxième capture pour former donc ce qu'on appellerait l'anti-ion H-. Dans la nature, on connaît l'ion H- avec l'hydrogène, et là donc on aurait l'ion antihydrogène plus. Alors j'ai allumé les lasers, donc là on voit le rouge déjà, et ensuite là-dedans on a ce qu'on appelle une cavité de doublage, que c'est une cavité dans laquelle on arrive à augmenter l'intensité lumineuse, et au milieu on a un cristal doubleur. Et donc en sortie, on a le doublage de fréquence. Et donc là, vous voyez, on voit que on voit le rouge à l'intérieur, on voit le trajet du faisceau, parce qu'il est très petit, enfin le faisceau est très fin dans cette cavité et très intense. Et en fait, en sortie, ensuite on le refroidit grâce au laser. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à... Une fois qu'on a fait cette ion, on va aller l'envoyer dans un nuage de beryllium plus, comme ceux que vous voyez ici. Donc ça, chacun de ces points-là, c'est un atome de beryllium plus qui est refroidi par laser. Et ce qu'on voit, c'est la fluorescence du laser qui sert à le refroidir. Donc en fait, là, on voit un ion individuel, un seul atome. Et donc, on va mettre dans ce nuage un anti-ion H-. Et on va donc le capturer dans ce piège, le refroidir. Et comme ça, on peut obtenir un ion extrêmement froid. Et ensuite, on va le casser très délicatement pour pas lui redonner de l'énergie et le regarder tomber. Donc c'est ça l'originalité de l'expérience Gebhardt, c'est qu'il permet d'avoir suffisamment de précision pour mesurer un temps de chute sur des distances de quelques dizaines de centimètres, 25 centimètres à peu près. Et donc pour le projet Gebhardt, c'est vraiment cette partie laser qui est importante. Et c'est ça qui va faire vraiment qu'on sera le plus froid possible pour observer la chute éventuelle de cet ion beryllium plus, de cet ion pardon Hbar plus dans l'expérience. S'il monte, ça sera plus facile, hein, bien sûr. Mais s'il descend, il faut qu'on arrive à mesurer. Donc au départ, notre objectif, c'est d'arriver à faire de l'ordre de 1% de précision sur la vitesse, sur le temps de chute, et donc de mesurer en gros la constante gravitationnelle pour l'antimatière avec une précision de 1%. Alors évidemment, c'est très loin de la précision avec laquelle on la connaît pour la matière, mais c'est un début. Alors après, on va utiliser des propriétés quantiques assez spéciales qui font qu'un atome très froid ou un ion, quand il arrive sur une surface, il peut rebondir éventuellement. Et si on arrive à faire ça, on pourra faire comme ils ont fait à l'Institut Langevin avec des neutrons. C'est-à-dire de voir des états quantifiés dans le champ de gravitation de ces atomes d'antimatière et pour voir si ils se comportent comme la matière ou pas. Et dans ce cas-là, on pourrait atteindre une précision de genre 10-5. Voilà ce que Elie Düring évoquait hors micro, la phénoménologie technique, c'est-à-dire... La phénoménotechnique. La phénoménotechnique, c'est une expression de Bachelard, tout à fait. Ouais, bah, pourquoi bien que, bah, parce que le phénomène qu'on essaye d'isoler, là, il est en un sens entièrement construit, c'est-à-dire il tient par 1000 fils de précision qui mobilise des heures et des centaines et des milliers d'heures d'équipes techniques, de scientifiques, d'ingénieurs, pour capturer, mais Gabriel Chardin en parlera mieux que moi, un peu d'antimatière au vol, en quelque sorte. Gabriel Chardin. Donc, effectivement, en 20 ans, un peu plus de 20 ans, depuis les premiers atomes qui ont, anti-atomes qui ont eu une durée de vie de quelques nanosecondes, on a fait graduellement des progrès fantastiques. D'abord pour piéger, dans des pièges relativement profonds, puis pour refroidir. Faire des mesures assez récentes l'année dernière de spectroscopie avec Alpha. Et donc maintenant, il y a trois expériences qui sont encore le niveau du dessus parce que la gravité a une force très faible pour essayer de mesurer l'action de la gravitation. Or, tout le monde est persuadé d'un résultat assez négatif ou en tout cas très faible. Et ça, je pense qu'on peut revenir sur cette notion-là parce que... Les gens me disent souvent, mais vous violez la relativité générale. Or, c'est faux. Justement, la question n'est pas là. La question est que si on a une formulation du principe d'équivalence d'Einstein, tout le monde tombe de la même façon dans un champ de gravitation, hein, ce qui est le principe de Galilée, quoi, simplement. Qui a été récemment confirmé expérimentalement. Oui, très fortement avec de la matière ordinaire dans l'expérience microscope. Donc vous pouvez peut-être nous redire un mot. Enfin, microscope, donc c'est une expérience sans satellite avec un bruit extrêmement faible. Et puis donc on peut corriger des toutes petites accélérations restantes par des tout petits flux de gaz. Donc on peut faire des expériences d'une précision exquise, trois ordres de grandeur, un facteur 1000 plus précis que ce qu'on sait faire de mieux au sol, et on trouve une inertialité essentiellement parfaite pour le moment, la précision acquise de la chute des corps. Ceci dit, dès lors que on met des masses négatives, ce n'est plus le cas en relativité générale. C'est ça la surprise. Les masses dont on parlait tout à l'heure, étudiées par Bondy dans les années 50, les masses négatives, elles ont l'air de tomber là, si elles sont toutes seules dans un univers là pour le coup idéalisé, sans un vide complet, non physique quelque part, parce que le vide est un milieu, elle tombe dans le champ de la Terre, exactement comme une masse positive. Mais, et ça c'était découvert il y a un peu plus de 25 ans par un grand relativiste américain, attacher une masse de plus 1 gramme à une masse de moins 1 gramme, que se passe-t-il ? Elle ne tombe plus l'une et l'autre, elle lévite. Ça paraît dingue quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement dans la relativité générale. Donc il apparaît deux choses. Une violation à 100% du principe d'équivalence exprimé mal. C'est-à-dire on n'a pas bien compris le principe d'équivalence le plus général. Et deux, la polarisation. Ça tire à l'intérieur de la matière. Or ça, ça laisse entendre l'autre, la masse négative, essaye de remonter. Si vous faites le bilan des forces tout bête, vous apercevrez que la masse négative se met au-dessus de la masse positive et essaye de remonter. Mettez ça dans le milieu vide, qui est en fait une espèce de d'enveloppe de quark, anti-quark, électron, anti-électron, eh bien, votre masse négative va remonter. Exactement avec plus petit g au lieu de moins petit g. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut imaginer comme une prédiction de la relativité générale, qu'il faut absolument tester. Et les Turing sur ces C'est très beau, parce que là on voit de quelle façon on voit ce que Bachelard appelait la dialectique des concepts scientifiques. C'est comme même au sein de la relativité générale, même dans cette trame que Whitehead décrit comme une gangue, hein, l'espace-temps relativiste, variablement courbé, on essaie de capturer la gravitation. Même là, dès lors qu'on introduit cette hypothèse de masse négative, on va être obligé de composer avec des phénomènes gravitationnels qui obéissent pas à l'intuition encore trop géométrique d'un champ d'accélération où on se laisse glisser le long de géodésique. Il y a des polarités. J'aime beaucoup l'expression, ça tire dans la matière. Et ça, on peut pas en rendre compte globalement avec la trame espace-temps. Il faut faire travailler les concepts, les remonter différemment. Et c'est très beau de voir une théorie se rouvrir de l'intérieur, en quelque sorte. C'est pas qu'on lui oppose une autre théorie, là. C'est vraiment qu'elle est. Et donc, ça appelle d'autres expérimentations, d'autres confirmations. Gabriel Chardin, dans votre livre, au nombre des apories de cette acception aujourd'hui de la gravitation et notamment de la quantification de la gravitation, vous évoquez un principe, enfin, dont on parlera d'ailleurs demain dans l'émission d'actualité, mais qui est intéressant et que j'aimerais vous voir aborder, c'est celui du paradoxe de l'information. Alors, il y a un lien extrêmement fort qui a été découvert au début des années 70 avec une histoire assez ironique. Un étudiant de l'époque de John Wheeler, à nouveau, Jacob Bekenstein, qu'on va retrouver ensuite avec la gravité modifiée, qui est à l'école des Ouches et qui fait un exposé sur que pour lui, la très forte analogie de forme qui existe entre les lois de la thermodynamique, qui étaient déjà connues, et les lois de la gravitation des trous noirs, c'est ce que Bardeen, Hawking et le troisième, je ne me souviens plus qui c'était, Brandon Carter, avait appelé les quatre lois de la thermodynamique des trous noirs, de la mécanique des trous noirs. Il n'avait pas osé mettre thermo. Et donc, Bekenstein arrive et dit, eh ben, je pense qu'il doit vraiment y avoir une entropie. Et là, il se fait descendre en flamme par Hawking et par Carter, encore que Carter peut-être critiquerait ce que je dis là. Mais, parce que on lui dit, mais s'il y a une entropie, il y a une température. Or, les trous noirs ne rayonnent pas. Et donc, deux ans plus tard, le pauvre Bekenstein revient à Princeton complètement désespéré. On parle à Wheeler qui lui dit oh, c'est pas grave, continue à réfléchir. Et Hawking démontre en fait le résultat. Et il est connu, son résultat le plus connu est en fait la démonstration de l'intuition de Bekenstein. Ça aussi, c'est quand c'est même le rayonnement de Hawking. Ce qu'on appelle de façon quand même un petit peu impropre le rayonnement de Hawking. On devrait, à minimum, on doit appeler entropie de Bekenstein, éventuellement rayonnement de Hawking, mais Bekenstein n'avait pas osé aller, en fait, ça doit rayonner. Il n'était pas allé au bout de la logique. Et donc, cette notion, dès lors qu'on parle de rayonnement, on parle aussi d'effritement de la matière qui, de pur, passe à quelque chose, un message complexe de rayonnement. Et cette notion-là va se trouver renforcée considérablement par la théorie des cordes, qui a l'air d'être complètement disjointe. Quelque part, on peut étudier par des solutions trous noirs exactes qui sont, on va dire, des modélisations au bord du trou noir, mmh. qui sont juste au bord de cacher quelque chose. Et donc là, on fait des calculs exacts sur l'entropie de ces systèmes, la complexité, si vous voulez, de ces systèmes. Et on retrouve la formule de Hawking et de Bekenstein, hein, puisque Bekenstein lui-même avait proposé la formule. On a quelque chose d'extrêmement fort, de lien entre quelque chose qui paraît complètement dément comme lien, l'entropie et la gravitation. Qu'est-ce que ça peut bien avoir, la complexité, la complexité d'un message et la gravitation? On en reparlera, c'est précisément l'un des sujets que nous allons traiter demain dans notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Et Turing, je vous ai vu prendre le livre de Gabriel Chardin justement à propos de ce paradoxe de l'information. Oui, c'est un des chapitres les plus fascinants du livre, en effet, parce que d'abord c'est extrêmement complexe et on touche à des théories toutes récentes. Là, je pense aussi au paradoxe du mur de feu, le firewall paradoxe, ces choses fascinantes. Mais à un niveau beaucoup plus... Je trouve d'ailleurs une résolution avec ce que j'étudie là sur les masses positives et négatives. C'est-à-dire? Parce que la tension dont on parlait tout à l'heure... Redites-nous en deux mots ce que c'est que ce... Alors le paradoxe d'un firewall, du mur de feu, c'était Paul Chinsky qui est malheureusement décédé l'an dernier. Et un très très grand théoricien de théorie des cordes, il a proposé plusieurs fois des paradoxes qui sont en fait des véritables illuminations par la réflexion que ça propose. Et l'un de ces paradoxes, c'est quelque part, il y a une duplication de l'information dont on sait en mécanique quantique qu'elle est impossible. On ne peut pas dupliquer complètement l'état d'un système parce que sinon on pourrait faire des mesures complémentaires interdites en mécanique quantique. Donc, au bord d'un trou noir, avec le rayonnement qui s'échappe et puis l'objet pur qui tombe dedans, il y a une contradiction et la moins mauvaise façon qu'il trouve de résoudre ce paradoxe, c'est de mettre un mur de feu à la traversée de l'horizon, qui semblait totalement exclu, parce qu'on ne devait pas, avec le principe d'équivalence, se rendre compte que l'on traverse l'horizon. Or, dès lors que l'on admet la présence de masse négative dans le... ça tire de plus en plus fort au fur et à mesure que petit g, qui n'est pas observable dans la théorie d'Einstein au sens habituel, le petit g, la force habituelle de la gravitation, accélération-gravitation, se tend. Et ça diverge, ça devient infini, au bord de l'horizon du trou noir. Et à ce moment-là, donc, le vide se polarise. Et donc, il y a effectivement un mur de feu. Et Turing, donc, justement, pour reprendre et pour conclure. Moi, je conclurai pas sur ce point-là, mais en revenant à quelque chose de beaucoup plus élémentaire, mais qui ne cesse de revenir et qui transparaît dans toute la discussion, c'est que la matière est un concept qui est finalement trop vite formé. Enfin, ce terme même est embarrassant. On est obligé de dire antimatière. Puis, dès qu'on réfléchit un peu au-delà de la polarité antimatière, antimatière, il y a effectivement l'idée du rayonnement. Il y a aussi de la masse nulle. Bon, il faut en faire quelque chose. La matière, elle doit composer aussi avec des photons, avec des particules de masse nulle en général, qui ont quand même une allure. Pas tout à fait. Hein, pas tout à fait. Ouais. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se passer des photons et on peut se passer des gravitons, dans le sens que l'on peut faire une expression de la théorie sans aucun champ, avec juste les porteurs de charge dans la théorie de Wheeler et de Feynman, et de masse dans la théorie de Chiama, puis Hoyle et Nalika. Bon, ça c'est heureux. Pas de masse nulle. On s'embarrasse plus de la masse nulle, c'est déjà ça. Et donc, ça me fait dire simplement, parce qu'en préparant l'émission, j'ai un peu regardé aussi ce qui se disait, la rumeur publique sur l'antimatière. Si on prenait au sérieux l'idée que la matière n'est pas un concept simple, on serait peut-être moins fasciné aussi par ce très beau mot d'antimatière qui nourrit beaucoup de blogs un peu complotistes et occultistes de fantasmes, sur les portails aussi. Galactiques et les ovnis et l'antimatière qui nous est dissimulée par la CIA. Voilà. Et qui fait fonctionner des engins inouïs. Peut-être qu'on fantasmerait moins aussi et moins vite sur ces concepts extrêmement délicats à manier et en devenir. C'est ça qui est beau aussi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus nous proposer vos réflexions et vos commentaires autour de cette notion et de cette entité complexe, comme on l'aura entendu, de qu'est la gravitation. Et Turing, on pourra vous lire donc au mois de mai dans cet ouvrage collectif « Qu'est-ce que la gravité ?» chez Duno, votre article « Whitehead, une autre théorie de la gravitation ». Et Gabriel Chardin, on peut vous le dire dès à présent dans cet ouvrage « L'insoutenable gravité de l'univers » aux éditions du Pommier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Minaguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain donc, dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, ce sera notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question donc de gravitation via la conception anthropique des trous noirs. Nous parlerons également des implants électriques pour faire regagner de la mobilité aux personnes paraplégiques, et ainsi que de la vascularisation du cerveau en phase de sommeil paradoxal. Tout ce programme, c'est demain à 16h jusqu'à preuve du bon cœur.